t'as connu, je n'étais pas vivant. Mais t'as vu mon âme. Je n'avais rien, mais ça ne t'a pas empêché faire de moi ton âme. Tu te souviens, nos premières sorties, je n'avais pas de quoi t'impressionner. Aujourd'hui j'ai tout à t'offrir, mais toi, tu veux juste du temps. Ce que t'attends de moi, c'est juste du temps. Ce temps qu'on ne rattrapera sûrement jamais, mais moi je sais où aller. Je suis resté près de toi, ma bien-aimée. Tu m'as redonné la foi, je suis resté. Même si tu n'étais plus là, je sais où aller. Je sais où aller. Je sais où aller. Je sais où aller. T'es mon équilibre, sans toi je divague. J'ai besoin de toi. Perdu dans la nuit, le ciel est sans lune ce soir. J'ai besoin d'un toi. Tu es mon ami, tu sais tout de moi. Je ne t'ai jamais rien caché. Aujourd'hui j'ai tout à t'offrir, mais toi, tu veux juste du temps. Ce que t'attends de moi, c'est juste du temps. Ce temps qu'on ne rattrapera sûrement jamais, mais moi je sais où aller. Je suis resté près de toi, ma bien-aimée. Tu m'as redonné la foi, je suis resté. Même si tu n'étais plus là, je sais où aller. Je sais où aller. Passer avant toi, passer avant toi. Tu m'avais dit vouloir quitter ce monde, blotti contre moi, blotti contre moi. Blotti contre moi, blotti contre moi, blotti contre moi. Je sais où aller, je suis resté près de toi, ma vie.